Mais pourquoi faut-il payer le droit de nous aimer et que nos pères se déchirent, leurs enfants se désirent. On ne peut pas changer l'histoire, la nôtre commence ce soir. Et tant pis si ça elle aime un ange. À quelle étoile, à quel dieu je dois cet amour dans ses yeux? Que leur volonté soit faite, car on est on aime Juliette. À quelle étoile, alors c'est pour ça qu'ils font ah ah ah. Riez, riez fort, vous verserez des larmes qu'ils riront encore. Dieu que c'est facile pour les imbéciles d'être aveugle et sourd à un grand amour, d'être aveugle et sourd. Ah ah ah, mon Dieu qu'elle est drôle, avec ses cheveux-là elle a l'air d'un saoul. Comme on Roméo, de nous le plus beau, pourrait-il vraiment tenir ses serments? Comme nous tous il ment. de ses yeux. Par amour, on peut souffrir. Je suis prêt à en mourir. On se perd, on se noie. On espère et on croit. Par amour, je ferai pour elle de nos vies un arc-en-ciel. Et voilà qu'elle est. voilà qu'elle Bien sûr, c'est la vie qui choisit. Mais pourquoi la vie nous tourner Sans se haïr, sans s'ennuyer.

내 머릿속 스치면 사랑을 꿈꾸고 너스라치 무릎이 스치면 독실대는 꿈꾸고 겨루 사이에 손가락 스치면 번번은 꿈꾸고 형사들의 목덜미 스치면 목 빼는 꿈꾸고 온갖 꿈 다스리는 맥여왕 맥여왕 요정들의 여왕 망상에서 태어난 꿈 다스리는 맵여왕 맵여왕 요정들의 여왕 요정들의 여왕 맵여왕 요정들의 여왕 맵여왕 요정들의 여왕 요정들의 여왕 불티불근 그대 입술 별 잠긴 내님의 두 눈 찾았네. 출연해 아기씨가 좌절될 때에 적국지의 숲만 보고는 귀여운 바보 신통 부리며 적국지와 싸움했네. 아기씨가 좌절할 때에 다리를 벌리며 남자를 봤나 신용을 하며 앙증맞게 울었죠. 아멘

종달새 노래하고 아침이 밝아오면 이제 가셔야 하나요 소적새 지적이고 이젠 떠나지 않으리. 세상 지친 이 몸 그대 마지막 입술로 저녁이 슬 어둠은 늘 울디불긋 그대 입술 향기로 꽃이 되면 내 마음속 的 Pops 音乐就到这里，感谢收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 까만 밤에 빛나는 보석 그댄 너무 누가 버린 눈꽃처럼 하얀 그댄 누구 그댄 누구 que ce soir le jour se couche sans le goût de toi sur ma bouche.